Salut, c'est Mister Sol pour Wesh Culture. Ça tourne. C'est quoi ton talent? Je dirais que mon talent, c'est de représenter les passions humaines avec tout type d'instruments. Ça peut être de la peinture aérosol, des pinceaux. Présente-toi à l'envers. Je m'appelle Toufik, j'ai 61 ans. Moi, je suis un gros mec de test, tu vois. Moi, vraiment, j'ai grandi dans la rue et tout. Pourquoi Mister Soul? Mister Soul, tu vois, bon, c'est Monsieur Lame, même si c'est pas écrit exactement le bon orthographe, tu vois. Bah, le nom prend du sens, c'est vraiment... C'est bizarre à comprendre, en fait c'est incroyable, genre, tu vois, il y a plusieurs mois, bah, l'année dernière j'ai vécu, tu vois, des histoires par rapport à du spiritisme et des trucs d'esprit, et en fait ma vie a basculé par rapport à ça, d'ailleurs mon style d'art a complètement basculé aussi, et en fait à partir de cet événement là, tu vois, il se passe encore des trucs aujourd'hui, et mon nom prend du sens en fait, genre, mon art prend du sens. Tout ça, genre, je me dis, ah ouais, c'est pour ça, tu vois, c'est comme si c'était un peu mon destin, genre. Pourquoi l'anonymat? Pour deux raisons. La première, c'est une raison judiciaire, mais je vais pas argumenter là-dessus, voilà. Juste pour ma sécurité. Et la deuxième, même si aujourd'hui, tu vois, je suis qu'un amateur et que je suis pas encore assez connu, tu vois. Si jamais un jour, je commence à avoir un plus grand public, je préfère dissocier la vie d'artiste et la vie normale, tu vois, j'ai pas envie que les deux soient mélangés. On est où aujourd'hui? Alors ici, on est pour moi dans le sanctuaire du graphe, genre, c'est grâce à cet endroit en fait que j'ai découvert le graphe, genre, on m'a emmené ici quand j'avais 7 ans et j'ai été illuminé, genre, et maintenant je suis pote avec le mec à qui ce lieu appartient et il me prête l'atelier pour pouvoir faire du coup moi mes projets comme je peux, tu vois. Tu fais du graphe depuis combien de temps? Ça fait depuis que je suis tout petit que je dessine beaucoup. Après, j'ai découvert du coup le graphe à 7 ans. Mais j'étais pas encore à fond, tu vois, juste je dessinais mon prénom, tout ça. Et puis surtout, je recopiais pas mal les graphes des plus grands, des anciens graffeurs, tu vois. C'est quoi les sensations en graphant? Ah bah c'est l'adrénaline, hein, la peur... addictive, je dirais, genre, tu vois, la première fois, t'as peur, tu te dis, oula, je sais pas si je vais recommencer, mais quelques jours plus tard, tu te dis, oh non, en fait, c'était ouf, je recommence, quoi. Est-ce que la musique t'inspire? La musique m'inspire énormément. Tu vois, t'as des rappeurs, je sais pas, même Nekfeu, c'est, tu vois, dans son dernier album, t'as des trucs où je me sens concerné et j'ai envie de les représenter, tu vois, de manière graphique sur quelque chose, tu vois. Quelles sont tes inspirations? Bah, les artistes qui m'ont pas mal inspiré, c'est Sin, CES, Nasty, énormément de Nasty qui est derrière. Ça peut être des artistes de l'antiquité grecque, c'est des statues, ça peut être de la littérature, genre Baudelaire, Verlaine, des trucs comme ça. C'est ce qui me passe par la tête. Genre. En fait, c'est surtout ma première inspiration, c'est vraiment ce que je vis et je vais essayer de le représenter. C'est quoi ton style de graphe? Ouais, bah en style de graffiti, c'est différent en fait. Tu vois, avant je faisais du graffiti, maintenant je sais plus exactement définir ce que je fais. C'est du street art. C'est plus trop du graffiti. Le graffiti, après, tu vois, je me suis inspiré. J'ai un style assez similaire que par exemple les graffeurs comme Sin. Il y a certains tableaux de lui là. Ouais, voilà. Style assez old school, moi. J'aime beaucoup le style old school. C'est quoi les œuvres dont tu es le plus fier? Les derniers tableaux que j'ai faits, je les adore, c'est comme mes bébés, genre. Je vais bientôt poster sur mon Insta qui s'appelle La Femme Fatale. T'as un tableau avec une rose, un autre tableau avec une main comme ça, enfin inspiré de la main de Michel-Ange. Comment tu vois le graffeur? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui de tout type de classe sociale, tu vois. T'as par exemple un boss de banque genre qui s'est fait choper, genre qui s'est fait cramer parce qu'il était un énorme graffeur, tu vois. trucs tellement improbables. Ça peut être vraiment n'importe qui. C'est quoi tes projets futurs? Mais après, mon projet là, c'est de faire une série de tableaux pour pouvoir exposer dans une galerie. Et mon objectif, c'est, tu vois, moi je m'en fiche de gagner de l'argent avec ça, voilà. Ce que je veux, c'est d'avoir un plus grand public, parce que surtout, j'ai un message à faire passer pour quelqu'un, et du coup, voilà, c'est important pour moi de gagner du public. Des conseils pour un débutant? Dans le graffiti ou dans le street art, hein, moi ce que je conseille, c'est déjà de faire ça pour toi-même, en fait. Il faut que tu t'en foutes du regard des autres, parce que à partir du moment où ce que tu fais, ça te plaît, ça va être forcément beau, en fait. Tu te vois faire quoi dans 10 ans? J'ai remarqué que l'inspiration vient souvent quand je m'ennuie, genre par exemple en cours. Genre en cours, j'ai un tas d'idées qui arrivent. Donc en fait, j'ai compris que plus tard, il faudrait que je fasse un travail qui me fasse un peu chier, tu vois. Comme ça, c'est là que je vais sortir mon inspiration. J'aurais vraiment une double vie, genre. Et donc, bah ouais, plus tard, je veux quand même, tu vois, bosser dans le design. C'est un peu de rapport, tu vois, c'est toujours un travail créatif. Mais je veux pas directement me lancer dans l'art. On te retrouve où? Ouais, du coup, mon compte Mister Soul sur Instagram. Hein. Et surtout, vous pouvez me retrouver dans la rue. Voilà, c'est ça qui est pratique, c'est que c'est gratuit. Et lâchez un pouce bleu. Non, déconne.